braquage, vol, arrache, drogue. Y'a pas de lol. Braquage, vol, arrache, drogue. Y'a pas de lol. C'est pas les marches de 4, y'a pas tapis rouge. Transact de cam, j'allume le premier gars qui bouge. J'veux la version parachutiste comme Kadirov. J'suis un cheaté, moi y'a pas de ligne dans ma siroc. La rue c'est triste, drame, drogue, dur, adrénaline. Période de crise, troque des grammes de pur, ni mais pas tes narines. La vue c'est brique rouge avant de la cam, près de la lime. Planque de 3 valises, les meufs pas très malines. J'vais rôder chez les riches vers 2-3 heures de la nuit. Un joint et j'marche, rien de mieux pour tromper l'ennui. Ça se fait péter en Belgique avec zéro preuve à l'appui. T'inquiète pas, les larmes et le sang disparaissent quand vient la pluie. On dévalise chez les flamands, cagoulés, flingues planquées sous le pull. Des valises remplies de diamants, des sommes de ouf en petite coupure. 400 kills sur un Zodiac, 4 soldats pour décharger. Les cadavres s'empilent, j'suis prudent, tous armés, tout est chargé. J'suis t'avoue que c'était Goliath. Une balle suffit pour t'éteindre. Cache d'escalier sans l'ammoniaque. Les voisins veulent porter plainte. Y'a des Algériens, des Polacs. Peur que de la mort et de son étreinte. Et c'est pour ça qu'on est craint. Du sang sur les phalanges, les cicatrices partiront pas. Que Dieu nous soit clément, je veux le paradis pour nos remparts. Crac comme les halls, j'drape fort et haut du crack dans le métro. Devant le miroir, j'braque mon ego. Pas dans un rôle comatique, t'inquiète, j'la mérite ma team. Faut des milliards de streams, comme en Amérique latine. Y'a de la foudre au prix du com. Ça se fait lever au cri du coq. Et on retrouve la douille près du corps. Faut de la confiance pour être trahi. Si t'attends rien, t'es pas déçu. En sable de luxe ou en treillis. Dans les deux cas, on se tire dessus. On nique nos vies sur le terrain, tous les jours, toutes les nights. Eux, ils aiment trop la dounia, ils vendent leur corps pour des likes. Faut de la confiance pour être trahi. Si t'attends rien, t'es pas déçu. En sable de luxe ou en treillis. Dans les deux cas, on se tire dessus. On nique nos vies sur le terrain, tous les jours, toutes les nights. Eux, ils aiment trop la dounia, ils vendent leur corps pour des likes. Faut de la confiance pour être trahi. Si t'attends rien, t'es pas déçu. En sable de luxe ou en treillis. Dans les deux cas, on se tire dessus. On nique nos vies sur le terrain, tous les jours, toutes les nights. Eux, ils aiment trop la dounia, ils vendent leur corps pour des likes. Braquage, vol, arrache, drogue. Y'a pas de lol. Y'a pas de lol. Foiré. Braquage, vol, arrache, drogue.